This is Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online at kfai.org. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Eh ben, bonsoir. Bonsoir les gars, comment ça va? Ça va bien, bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Bonsoir, bonsoir Romain. Et bonsoir Adrien. Donc, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. Assaïra, les aristocrates. Ben, attends les auras. Well, it's, how do you call that? National Day? Yeah, Bastille Day. Bastille Day, July 14th, and there is a, if you want to learn more about Bastille Day, there is a super good podcast from the French-American Consul General, and sponsored by the embassy in DC, an episode about Bastille Day in English. Cool. Nice. Maybe we can share the link. Yeah, we should, okay. Definitely. So, we'll post the link as soon as we get it. And so there's some celebration pretty much everywhere in France with fireworks and... Well, actually, a lot of them have been canceled. Because of the COVID. Mm-hmm. Yeah, the Bal des Pompiers was very popular before. And that's canceled too. Oh, I bet. You don't want the pompiers or the firefighters to get contaminated. No, they already people who actually go there. Yes, that's true too. I don't know, in the country, maybe you guys can... tell me, but in Paris, all the firefighters are living together, like in a caserne, yeah, in a barracks. Yep. Yeah. What about in the country? Do they do that, or are they volunteers and? That depends. One of the things is whether the firefighters are professionals or volunteers. Where I'm from. Because it's a small town, the firefighters are volunteers. So it's like us on KFAI, we all have day jobs. Okay. And well, you have your, I was going to say a pager, but I don't think they use pagers anymore. And if there is a fire or whatever at night, well, they wake you up and you have to go. Okay. I guess a friend who is a volunteer in Nice. And I know he had to stay overnight sometimes, but it wasn't like the whole week. It was just for a weekend. For a shift. Yes, for a shift. Mm-hmm. And then in Paris and Marseille, it's very different than other firefighters in France because those are part of the military. Mm-hmm. Yep. And so they have, they're held to a higher standard that is pretty equivalent, if I understand correctly, to the New York City firefighters. Mm-hmm. The firefighters in Paris and... maybe Marseille too. They depends on the army, and they are as disciplined as they should be. Like in the army, they really follow orders and have the same hierarchy, and it's pretty impressive. So. You remember a couple of years ago, this I can't remember where he was from, but this African guy in one of Paris suburbs, who was, I think, undocumented. You know, he actually climbed up to the fourth floor of a building to save a little kid who was about to fall. And like within 2 minutes, he was on the fourth floor. I mean, he was really good at doing that. And as a token of gratitude, I think it was the president, but granted him the French citizenship. I remember that. And he became part of the Pompiers de Paris, Paris firefighters. Oh, yeah. Nice. Okay. Yeah, I remember that story. I didn't know he became part of the Yeah, well, it became, yeah, yeah, he was hired by the Pompiers de Paris as a, usually you have to go through a certain process, but it was a way also to thank him and seeing, you know, what he was capable of doing. Yeah. I think he's a good new member of the Pompiers de Paris. Yeah, that's for sure. Yes. The guy was very brave to do that. So what are we going to listen to today? We're going to listen to music about France. So, I mean, we're going to start with the national anthem. And then after that, all the songs, the common theme is going to be about France. Yeah. Yes. Mostly. There's going to be some about the revolution. Right. We're going to talk a little bit about, you know, Bastille Day. And then it's going to be mainly music. There's no events pretty good this week. So there's nothing really to announce. It's been pretty quiet. So we won't do an event section. Mm-hmm. So mostly music then? Yeah, mostly music. Like last week. Yeah. All right. That sounds good. Yeah. So let's start with the national anthem then. On y va. C'est parti, mon kiki. So, as we discussed, we're going to listen to the national anthem called La Marseillaise. And it's going to be sung by Les Chœurs de l'Armée Française. Then we're going to listen to Charles Trenet with Douce France or Sweet France. Then Les Triplettes de Belleville, or the Triplet of Belleville, with Tour de France, because it's also around Bastille Day that the Tour de France is coming back to Paris. Not this year, of course, but normally it's like either the weekend before or the weekend after Bastille Day. Thank you.

wear a mask. Everybody should wear a mask. Cover your mouth and nose. Wear it like other clothes. Hey there, you need to wear a mask. If you cough, if you sneeze, we don't want to breathe it, please. If we go out someplace, no one should see your face. Stay there, unless you all wear a mask. It's a virus, you know, and it's not just a cold. No one wants to get sick, so don't be a dimwit. Wear a mask, wear a mask. By now, no one should have to ask. You want this to abate, then responsibly respirate. Right now, don't be a total zero. Act like a superhero. You need to wear a mask. Now we're going to listen to Calogero, and it's called Le Vélo d'Hiver, or the Winter Bike, but it really refers to Le Vélodrome d'Hiver, which was a place where people could bike in the winter, and there was some competition, and around Bastille Day too, in during World War II, that's where there was one of the biggest roundup in Paris, and all the people were guarded, were in the Vélodrome d'Hiver, also known as the Vél d'Hiver, and it's from a live version at the Olympia. Then it's going to be Edith Piaf avec Le Ça Ira. It's a revolutionary song that's really, really famous. Then Michel Sardou with À la volonté du peuple, When the people decides. On m'appelait le vélo d'hiver. J'en ai vu des marmots, des messieurs, des dames et des vélos. Sur la piste ovale sous ma verrière, j'en ai vu des costauds, les boxeurs, la Piaf, Yvette Horner. On m'appelait le vélo d'hiver et d'été en hiver. On s'amusait sous ma verrière. Vrai de vrai, je me rappelle comme si c'était hier, des plus belles heures sous ma verrière. L'air de rien du haut des gradins, ça lançait des hurrahs, les pauvres en haut et les riches. Il y avait même de l'herbe verte au milieu de tout ça, et le tout Paris vibrait en moi. On m'appelait le vélo d'hiver, c'était avant la guerre. Vers l'enfer.

quand j'entends s'enrouler les feuilles de l'automne, que le ciel de l'été dans mon cœur se cramponne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Quand du fond du Québec les couleurs se bourgeonnent, moi je crois bien que c'est la neige qui s'épleure et frissonne. Puis je me dis que le français est une langue qui résonne. Puis je me dis que le français est une langue qui résonne. Endormie sous la mer qui saigne sur Narbonne, de mes yeux fatigués pleurent des sables de l'or. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Langue d'oc du nord, les accents s'époumonnent. Dans ma tête versée, mon pays se crayonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Assis près de Calais, dessous les lames bretonnes, je regarde arriver les vagues anglo-saxonnes. Tous mes mots vieux français éclatent et bouillonnent. Tous mes mots vieux français éclatent et bouillonnent. Si plages et forêts s'asphaltent sous carbone, si les ailes collées, les oiseaux abandonnent. Moi qui me crois beau français, je sens que je décore. De mes mots censurés, que Villon me pardonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. Je me dis le français est une langue qui résonne. It was Enrico Macias with La France de mon enfance, Yves Dutheil with La langue de chez nous, and Daniel Balavoine with Le français est une langue qui résonne. The French is a language that echoed. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to Richard Cocciante with Le mot France, the word France, then Marc Lavoine with C'est ça la France, this is what is France, and Julien Clerc with Terre de France, French ground. France, je suis né plus loin, beaucoup plus loin qu'on pense. C'est à Saigon que j'ai eu mon enfance. Et ma mère là-bas me disait doucement le mot France, le mot France, France. Le temps s'est enfui, mais je le sais depuis. Il suffit d'être loin ou seulement d'être seul pour avoir le cœur serré quand on entend le mot France, le mot France.

ça repasse à tabac. Ça chauffe un peu dans les bains, j'entre à la casse-bas. Ça bouge sous les périphes, ça roule encore la nuit. Ça fait des hiéroglyphes, ça fait des petits. C'est ça la France, du chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du lagueul à l'opinel, de partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères, selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots se terminent en T. C'est ça la France, du chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du lagueul à l'opinel, de partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères, selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, ces trois mots se terminent en T. Ouais, c'est ça la France. C'est ça la France. Enfin, je pense. Parfois gai, quand on est triste, il fait mauvais. Ce sont les choses du temps qui ont fait nos tempéraments. Tu peux bien changer le nom, le visage de tes régions, de nos frontières. Accrocher des fleurs fanées sur nos calvaires, sur nos calvaires. Tu es ma terre, mon désert qui s'en va. Tu es ma terre, ma mère et mon hiver. Des oiseaux géants, nous ne voyageons pas souvent. Nous avons l'amour du nid que certains appellent patrie. Tu peux bien changer le nom et le cours de tes saisons, de nos rivières. Parsemé de taches bleues, le blé qui lève, le blé qui lève. Tu es ma terre, désert qui s'en va. Tu es ma terre, ma mère et mon combat. Tu peux bien changer de nom, chimère, j'ai dessiné sur ton dos comme un étang où flottent mes rêves. Tu es ma terre, mon désert qui s'en va. Tu es ma terre, ma mère. Des gens parfois gais, quand on est triste, il fait mauvais. Ce sont les choses du temps qui ont fait nos tempéraments. <t'en> It was Richard Cocciante with Le Mot France, Marc Lavoine with C'est ça la France, and Julien Clerc with Terre de France. KFAI is seeking new voices to help fulfill our mission of providing news and information to Minnesota's diverse communities. Paid translation opportunities are available for those who can speak and translate Spanish, Hmong, Somali, Amharic, Oromo, Tigrinya, and other languages you hear on the station. Send an email to hello@kfai.org or call the station during weekday business hours at 612-341-3144, extension 22, to get involved and help KFAI better reach our neighbors in the Twin Cities. Well, let's talk a little bit about Bastille Day. It is the common name given in English-speaking countries to the National Day of France, which is celebrated on 14th of July each year. In French, it is formally called La Fête Nationale, or the National Celebration, and it is every July 14th, and it's called the 14 Juillet. It's the French National Day is the anniversary of storming of the Bastille on July 14th, 1789, and it's a turning point of the French Revolution. There's usually a military parade going down the Champs-Élysées and in front of the President de la République. This is one of the oldest military parades in Europe. The medieval armory fortress and a political prison known as the Bastille represented royal authority in the center of Paris. The prison contained only seven inmates at the time of its storming, but seen by the revolutionaries as a symbol of the monarchy's abuse of power, its fall was the flashpoint of the French Revolution. It was at the time of Louis XVI, there was a big economic crisis, and the finance minister, Necker, was dismissed, and he was supposed to be sympathetic to the common people. So a lot of Parisians were very upset about it. And basically, one of the main reasons of the storming of the Bastille was not the prison or the prisoners, it was really all the weapons that were in it. One of the guests of La Bastille was a renowned writer called the Marquis de Sade. Now we're going to listen to Claudio Capeo with Belle France, Beautiful France. Then Serge Gainsbourg with a cover of La Marseillaise but in reggae, and the name is Aux Armes, etc. To the weapons, etc. It's kind of a little bit sarcastic, but not too much. A lot of people found it disrespectful because it's a cover. Then we're going to listen to Jacques Dutronc with Merde in France, Poop in France, a poop made in France. D'un carré de pierre, je vous présente Mademoiselle Lumière. Ses effluves matinales, l'odeur d'un corps magistral. La manivelle a cassé, je ne goûterai plus aux odeurs d'été. Métamorphosez-moi, je suis dingue de toi. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma muse, toi ma reine, toi seule qui porte le poids de nos larmes. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma oh. Belle France, connais-tu cette fille oh, à la robe blanche? Connais-tu cette fille, celle qui danse? Connais-tu cette fille, oh, ce soir je flanche, oh, ma belle France. Sous l'ignorance des torts, je perds la ronde et belle mademoiselle de verre. Ces ordures sentimentales, la peur d'une proie carcérale. La manivelle a cassé, je ne goûterai plus aux odeurs d'été. Métamorphosez-moi, et la tristesse sera. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma muse, toi ma reine, toi seule qui porte le poids de nos larmes. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma oh. Belle France, connais-tu cette fille oh, à la robe blanche, connais-tu cette fille? Je ne goûterai plus aux odeurs d'été. Métamorphosez-moi et la tristesse sera. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma muse, toi ma reine, toi seule qui porte le poids de nos larmes. Connais-tu cette fille oh. connais-tu cette fille? Celle qui danse, connais-tu cette fille? Ce soir je flanche. Comme du moulout, lave un beau trottoir moulout, Merlin France. Elle a fonctionné comme du moulout. Is a booker, is a nar, is a trip, a booker, nar, Merlin France. Hey, what's in you, ta frau, clair ou blout, canapé, bidet, et à coudre, Merlin France. Hey, what's in you, ta frau, clair ou blout, watch me again, même triple again. Elle a fonctionné comme du moulou, lave un beau trottoir, moule dit merde d'une France. Elle a fonctionné comme du is a booker, is a nah, is a type of booker, nah, merde in France. Cacapou, cacapou. Et Gaspard, ouais, Pierre Soquin, plus. Baby Sleep,

que le pays du cœur qui porte le fleuron des fleurs du solidaire qui unira le chant de toutes les sœurs et frères, de tous les partisans. Si je suis le drapeau du peuple résistance, de toutes les nations, je suis l'enfant de France. Des médias corrompus et le peuple à la rue, au monte des marchands toujours qui prostituent, des pouvoirs qui n'entendent jamais que la violence, sont bien tristes aujourd'hui, oui les rues de ma France. Il n'y aura d'autre choix que de prendre les armes, il n'y aura d'autre choix que pour sécher les larmes de ces peuples éduqués à la stupidité. Il n'y aura d'autre choix que mort des libertés. Ils ont vendu l'enfant, ils ont tué la terre, ils ont fait du printemps cet éternel hiver qui vient peupler l'assiette toujours des populaires, du pain des nourricières pour devenir la pierre. Ils ont violé culture, ils ont pourri nature, ils ont vendu, c'est sûr, ton pays aux ordures. Ils ont pris ton boulot contre une application pour faire rêver ton môme toujours que de pognon. Contre l'état de droit virant état du roi, il faut lever le poing, oui, pour changer les lois, redonner la parole au langage du cœur, que la chasse aux sorcières soit le spéculateur sur la misère des gens, sur les dettes des pays. Quand le cœur résistant lancera l'incendie de ce règne marchand qui vient violer les petits, du peuple descendant qui recherche un abri. On tatoua tout là-haut sourire des princières, on tatoua d'envoyer l'armée des tortionnaires sur ton peuple affamé, comment dire, sur tes frères, sur ces gens qui ne cherchent qu'à survivre à l'hiver. On tatoue ces gens-là qui n'ont plus de notion que cette avidité du règne du pognon. Moi, mon patriotisme reste le solidaire à partager à tous les enfants de la terre. Je serai le boxeur qui, face au matraqueur, dépositaire du droit, oui, de frapper les sœurs et frères de mon pays perdus dans la douleur face à la tyrannie des amputés du cœur. Toujours la répression des ouvrières en sang pour sauver leur pognon, sauver leur dieu l'argent. Toujours les parisiennes, peuple collaborant, des élites au QI, comment dire, du néant, puisqu'il n'est pas de loi pour faire payer l'impôt aux milliardaires réseaux exploitants du ghetto, puisqu'il n'est pas de loi que celle du dieu l'argent qui saigne les troupeaux, oui, de collaborants. Tant que tu cliques, ami, eux, ils font du pognon, nourrissant tyrannie pour faire élire les pions. Peuple pris dans la toile pour sa révolution, faut-il sauver l'étoile par une application? L'avenir le dira, mais une chose est certaine, il faut tuer les rois de la gangrène. Et crois-moi, ces gens-là, au cercueil en dorure, où ils sont bien mieux planqués qu'à l'Élysée, c'est sûr. Si les maîtres du monde sont dans les connexions, oui, si la bête immonde sera changée de nom, peuple héroïnomane de sa triste opinion, sur les réseaux tristesse, liberté d'expression, des esclaves de Facebook, des esclaves du pognon, des vendeurs d'accessoires pour meute de troufions, de ce capitalisme fasciste éducation qui fait que réussite rime avec les millions, de milliards connectés pour faire qu'un milliardaire à leur coup serre encore un peu plus le collier. Pardon si moi j'étais, oui, toujours visionnaire, quand je sortais la triste hashtag humanité pour sauver notre monde, pour sauver notre terre. Il n'est de solution, oui, que le solidaire. Et si les lois ici, bien tristes grabataires, ne font que protéger, oui, le totalitaire, pouvoir des médiatiques qui tuera le poète, qui bien loin de leur fric rêvait d'une planète, des langages du cœur contre la tyrannie. Il faut croire que nul n'est poète en son pays. Mon pays c'est la France, mon pays c'est la terre, et de tous ses enfants elle sera solidaire. Et quand la résistance fera naître lumière aux Élysées d'obscurs qui prostituent la terre, je suis l'enfant de France qui porte à l'horizon comme un sanglot la flamme de la révolution. Et si la terre pour moi n'en a pas de nation, que le pays du cœur qui porte le fleuron. Liberté.

cœur de Paris. En criant dessus les toits, ça ira, ça ira, toute la vie. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle. On a connu des printemps qui brillaient sous son soleil. Marianne a cinq enfants, quatre fils qu'elle a perdus, et le cinquième à présent qu'elle ne reconnaît plus. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Ça ira, ça ira, toute la vie. Que Marianne était jolie quand elle embrase le cœur de Paris en criant dessus les toits. Ça ira, ça ira, toute la vie. It was Polo with Petit Français, Sheila with Petite Fille de Français Moyen, and Michel Delpech with Que Marianne était jolie. Okay, kids, here's the radio aisle. Time to pick out a station. I want something that tastes good. I want something with a cool surprise inside. I want something that tastes crunchy and milk. All right, you little monsters. How about KFAI? Yay! Yes, KFAI is locally grown and produced, so you know it not only sounds good, it's good for them. And KFAI's unique blend of music, news, and information is chock full of surprises. KFAI will keep even your fussiest listeners satisfied and coming back for more. But does it stay crunchy and milk? KFAI is always crisp, fresh, and tasty, even after 42 years in milk. It's just another reason KFAI is weird, but we like it. Who wants some more true Brit? Now we're going to listen to Michel Thor with Une Petite Française, a little Frenchie. And then we're going to finish with Julio Iglesias. And he's doing an homage à la chanson française. And you will recognize some of the most famous songs of French songs. Changea pas son nom et la voilà devant vous aujourd'hui. Une petite Française née en Provence, loin de ses jeux d'enfance, était enfuie. A-t-elle eu bien raison? raison de quitter sa maison pour se trouver devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas une idole qu'on aime et qu'on détruit. Je vis mes années folles, toujours loin de Paris. Et sans avoir de rose, il n'y a pas mieux, je crois. Quand je vois quelques gosses qui jouent autour de moi, une petite Française née en Provence, quand elle avait 15 ans vint à Paris, épousa la chanson, ne changea pas son nom, et la voilà devant vous aujourd'hui. Une petite Française née en Provence, loin de ses jeux d'enfance, était en vie. A-t-elle eu bien raison de quitter sa maison pour se trouver devant vous aujourd'hui? Encore une fois, une petite Française née en Provence, quand elle avait 15 ans vint à Paris, épousa la chanson, ne changea pas son nom, et la voilà devant vous. Oublier les temps de malentendus et les temps perdus à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie et des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras règne. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Que ce triste Venise, autant de son mouvement, que ce triste Venise, quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots. Mais la nuit les emporte, on voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Et ce triste Venise, lorsque le barcaron vient souligner que des silences s'éclairent et que les cœurs se serrent en voyant les gondoles abriter le bonheur de couples amoureux. Maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffère. Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, mon cœur qui bat. Va trop fort, trop fort. Maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Je n'ai vraiment